Ton bout? C'est-tu au bout? C'est archivrant. Tout vient, toute la connaissance qu'on a, soit qu'elle vient du monde matériel ou qu'elle vient du monde des esprits. Elle ne vient pas du monde de la lumière. Elle n'est jamais venue du monde de la lumière. C'est grave. La mort créée, créée, ça veut dire, c'est itinérant aux formes. Créée, c'est itinérant aux formes. C'est ça, créée. C'est itinérant aux formes. Moi, je suis supposé d'écrire un... C'est créé, c'est pas un concept non. Réel. Non, c'est pas un concept réel. C'est pas vrai. C'est un concept qui est lié au temps. C'est ça. Et le temps, il est lié à l'évolution des peurs. Moi, je suis supposé écrire un livre dans quelques années, mais apparemment, ça va être un livre maudit, ce livre. Ah oui, c'est capote. Ça va être capote. Ça va être capote. On est caché, mon côté. Pourquoi tu nous as pas parlé du chef, c'est notre erreur, pour pas comme ça, quand je vous parle, accumulez ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je vous dise une chose absolument aujourd'hui. Je peux pas vous parler absolument aujourd'hui. Vous ne vous parlerez jamais absolument aujourd'hui. Accumulez ce que je vous dis. Quand vous aurez la connexion, vous pourrez revoir, revisiter ce que je vous ai dit. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous attacher aux formes de ce que je vous dis. Le savoir, c'est de l'énergie pure et simple, mon cher. Le savoir, ça n'a rien à faire avec les idées. C'est un état de savoir. C'est un puissant état, laisse-moi te dire. Parce que tu peux être seul sur une planète quand t'es dans le savoir, puis tu peux rien faire, t'es dans le savoir. T'es raccordé. Quand c'est fait, toi, tu te raccordes plus. Ils peuvent te shaker tant qu'ils veulent, ça va rien. C'est un état de savoir. Quand je vous parle, je vous dis des choses, c'est pour changer vos vibrations, pour changer les formes, pour détruire les formes, pour permettre le raccordement entre vous autres deux autres. Quand ça sera fait, ça vous sera prenez mon cœur. Mais il y a la personne qui pourra vous déraccorder après. Quand vous serez raccordé, vous suivez. Pas ça. C'est déjà commencé. Si on est parti avec un comme Dieu est, on est la même chose. Alors pourquoi on est descendu si bas? Qui est descendu si bas? Pourquoi on en est venu au stade où on en est, là, qu'on a perdu, on est tous... On en est venu au stade où on est rendu parce que le contact, le raccordement est découpé. Le raccordement est découpé! À un certain moment, quand on ne pouvait plus communiquer avec eux autres, c'est final. C'est à partir de ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là. On n'avait plus point de référence. Quand on n'avait plus point de référence, on n'avait plus de point de référence. Maintenant, on a commencé à développer la pensée, là, c'est de développer des nouveaux points de référence. On est parti d'où? On est parti de la matière. Puis, de temps en temps, on écoutait quelqu'un qui était supposé avoir contact avec Dieu. On écoutait. Ça rend. Pour vous, C'est nécessaire. Je te pas. C'est vrai. Pourquoi on est coupé? On est coupé parce qu'on devait développer un ego. On devait développer une intelligence humaine. Sans ça, on n'aurait jamais eu l'intelligence humaine. Sans ça, on n'aurait plus jamais pu spiritualiser éventuellement la matière. Parce que pour spiritualiser la matière, c'est qu'il y a quelqu'un qui passe. Ouais, là, c'est pas qu'il faut se débarrasser de notre ego. Faut qu'il devienne clair, comme tu dis ça. Vous voyez clair? Quoi? Dès la création, le moment où la coupure s'est faite, justement, l'ego a commencé à se... L'idée de la création a été donnée à l'homme pour que l'homme ait un concept d'un départ dans le temps. Mais le concept du départ dans le temps, il a été mis dans l'esprit de l'homme par des forces qui devaient suggérer à l'homme des aspects de son développement en relation avec une origine qui prenait part dans son évolution à une autre origine qui prend la part dans son évolution à un autre temps. De sorte que le concept de la création, c'est un concept qui vient d'un autre plan, mais qui ne fait pas partie de la lumière. Savez-vous qu'est-ce que c'est la lumière? Ce qu'on appelle le monde de la lumière. Ça, moi, vous en parle un peu. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'autre. Avant de vous parler de n'importe quoi, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on sait, c'est possible. Tout ce qu'on sait. Non, c'est pas. Mais pas de rien. Tout ce qu'on sait, c'est pas ça. Tout ce qu'on sait, c'est pas ça. Parce qu'on sait pas. Fait que tout ce qu'on sait, c'est pas du savoir. C'est de l'interprétation de... Alors, ce qu'on sait, c'est de l'interprétation de la réalité. Puis, rien qu'une façon de comprendre la réalité, d'être dans la réalité, c'est de savoir. Puis, rien qu'une façon de savoir, c'est en connexion avec l'autre. Parce que l'autre sont l'origine même de toute la mémoire de tous les temps. Comment ça va? Christiane, quand on sait, on est plus intéressé à savoir. Oui. Non. Quand on sait, on est plus intéressé à savoir. C'est ça, savoir. C'est dur, hein? C'est bien. Savoir, c'est dur. Quand on sait, on est plus intéressé à savoir. Puis tant qu'on sait pas, on est intéressé à savoir. C'est là qu'on absorbe les formes. Puis c'est là qu'on détruit notre savoir. C'est là qu'après un certain âge, on doit mettre l'âge. Il y en a là qui sont obligés de vous montrer comment on marche. On marche un petit peu, on marche un petit peu. Là, il y a un petit peu d'énergie qui descend, un petit peu d'énergie qui descend. Puis aussitôt qu'il y a un moindrement un contact avec eux autres, là, eux autres commencent à travailler avec vous autres, là. Comment? Comment? Vous devenez autrement. Mais il faut que ça commence quelque part, là, là. Je commence, là. Moi, je vous ai déjà dit que quand, dans mon initiation, je disais à l'autre, je suis habitué, mais dans ce temps-là, je disais, donc, je sais qu'il y a un rire d'avoir été donc, je sais qu'il y a un rire de savoir, je suis autrement dit, je suis n'écœuré de toujours avoir des réponses qu'on défend, Puis il disait, c'est ta condition, j'ai rien à faire. Aujourd'hui, ça me dérange, oui. Et dans ce temps-là, je suis tanné, tu sais. T'es tout contre les femmes, fait que tu voudrais toujours être comme un homme ordinaire. T'es écœuré de toujours avoir les raisons, pis toujours avoir l'énergie pour répondre, pis répondre. Savoir, c'est un quoi, c'est une conscience constante, C'est pour ça que maintenant, j'ai plus d'énergie à perdre. C'est pour ça que dans les séminaires, dans les rencontres, les gens qui retardent l'évolution, de cette connexion-là. Je vais y aller parce que j'ai plus de temps à peine. J'ai pas de sentiment, ce que je dis là. Les gens qui peuvent pas absorber ce que je dis, moi, je veux dire, attendez plus tard, il y aura d'autres personnes plus tard qui pourront vous expliquer ça. Parce que j'ai plus de temps à perdre. Je continue. On va bien qu'il y a la scène libre, là. On ne doit pas en tant qu'homme s'inquiéter de notre nature humaine.